L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Monique Claudel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe des roulettes du Téléthon de Richard Ménil et toute l'équipe des roulettes du Téléthon de Richard Ménil organise un nouvel événement au profit du Téléthon. Ce sera le dimanche 16 octobre, une marche gourmande. Un rendez-vous que j'imagine vous attendez avec impatience. Oui, bien sûr, tous les ans. Ça fait plusieurs années que nous faisons ça et il y a un vif succès. Les gens sont très contents de venir, de participer. Il y a une très belle ambiance, il y a une très belle organisation et puis il y a une très belle récolte pour le Téléthon. Pouvez-vous nous rappeler un peu le principe d'une marche gourmande? Ah ben écoutez, on part de la MTL de Richard Ménil cette année et on va marcher pendant à peu près 11 km en direction de Flavigny et on revient sur Richard Ménil. Et pendant ce temps-là, eh bien, on s'arrête à des stands pour se restaurer et pour avoir une animation. Il y a du café déjà, le premier arrêt c'est du café. On refait quelques kilomètres et il y a l'apéro, sympa. Et on refait quelques kilomètres et il y a la soupe. Et on arrive à Flavigny où on mange le repas de midi. Et puis ensuite, bien restauré, on repart vers Richard Ménil, on revient. Et il y a le fromage. Et on revient à la maison du temps libre où il y a le dessert qui sera servi. Et à chaque arrêt, ou presque, il y a une animation. Il y a de la musique, il y a des contes, une dame qui raconte des histoires très sympas. Et donc, on ne voit pas les kilomètres passer. Et on n'est pas fatigué quand on rentre. C'est une marche, hein, c'est pas un marathon. Donc on marche tranquillement, chacun à son rythme et par groupe. Donc c'est très sympa. Les enfants peuvent venir, les animaux aussi. Bien sûr, tenus en laisse, mais on a quelquefois des petits chiens qui font la promenade avec eux. Donc c'est très, très sympa. Vous accueillez combien de marcheurs chaque année à peu près? Alors, il est prévu de faire 5 groupes qui partent à des horaires un petit peu décalés, toutes les demi-heures à peu près. Et dans chaque groupe, il y a entre 40 et 50 personnes. Donc ce sera à partir de 9h30, hein, le premier départ, c'est ça? Le premier départ à 9h30, le dernier il part à 11h, 11h15, 11h30. Il faut que chacun puisse s'arrêter tranquillement à chaque stand, le temps de l'arrêt et de la restauration. Et le départ, donc ce sera à partir de la maison du temps libre de Richard Ménil. Oui. Mais oui. Pour tout ça, bien sûr, il faut s'inscrire en amont. Oui, alors il faut s'inscrire. Je peux vous donner le numéro, c'est le 06 83 04 04 10. On envoie un SMS, c'est mieux que le téléphone oral. Par SMS, vous donnez vos coordonnées. Et puis voilà. Et pour tout ça, ça vous coûtera 25€ par personne, tout compris, et tout le bénéfice sera reversé à Téléthon. Toute la somme récoltée ira pour le Téléthon et on a, je crois, jusqu'au 10 octobre pour s'inscrire. Le 10 octobre, inscrivez-vous le plus rapidement possible parce que tous les ans, c'est complet et c'est très bien. Eh bien oui, exactement. Donc il faut pas tarder pour s'inscrire. Donc vous l'avez dit, c'est 25€, mais pour 11 km et beaucoup de petites pauses pour se restaurer et assister à des animations. Oui, la restauration et la boisson, tout est compris. Hein. Qu'est-ce qu'on peut donner comme argument aux auditeurs pour leur donner envie de participer cette année, se dépêcher de vous contacter, prendre date? Se dépêcher de nous contacter, écoutez, pour être sûr d'avoir de la place et de choisir ses horaires, parce que comme je vous ai dit, les horaires, le premier part à 9h30 et les autres partent à peu près toutes les 30 ou 40 minutes derrière. Donc, vous calculez, il y a un départ à 9h30, à 10h, à 10h20, 10h30, à 11h et à 11h15, 11h20, voilà. Voilà, donc pour ce premier rendez-vous, la marche gourmande, ce sera le 16 octobre. On a jusqu'au 10 octobre pour s'inscrire. Donc, on n'hésite pas à envoyer un petit SMS. Je redonne le numéro de téléphone rapidement. C'est le 06 83 04 04 10. Et est-ce que vous avez déjà d'autres rendez-vous prévus à l'occasion du Téléthon 2022? Alors oui, nous avons le 19 novembre, au soir, une choucroute que nous faisons depuis une vingtaine d'années. C'est pareil, c'est également à la Maison du Temps Libre de Richard Ménil. C'est à 20h le soir. C'est aussi 25€ et tout reversé au Téléthon. Là, c'est une soirée choucroute dansante, c'est sympa. Et le lendemain, le dimanche, après-midi, nous organisons un loto. Est-ce qu'il y a un endroit, un site internet où on peut retrouver un peu le programme de tout ça? Oui, vous allez sur les roulettes du Téléthon de Richard Ménil. Et la coordination départementale nous a fait un site. Vous pouvez la trouver. Merci beaucoup, Monique Claudel. Je vous en prie. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.